cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Le dars précédent, on a commencé la lecture du 9e chapitre, al-faslu tasi' fi hukmi al-talaq wa ma yura'a fih. Et on avait lu kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, an al-asl fi al-talaq, c'est que c'est makrouh. C'est permis al-talaq, lakin dans certains cas. Wa illa s'il n'y a aucune cause, fala yambagh. Et on fait attention à l'hawa fi hadha al-bab. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-aslu fi al-talaq al-hadr innama ubiha minhu bi qadri al-haja. Ça nous montre que la base c'est pas permis, lakin c'est autorisé dans certains cas. Amma al-insan 'iyadan billah, il veut divorcer lianna, il veut se marier avec une autre femme alors que la première elle lui a rien fait de mal. Wallahi alhamd, elle c'est une musulmane et elle fait des efforts. Fa limadha? Qala ou dans un autre de ses livres, ou fil fatawa, dans un autre bachaz, naqala al-ijma' annahu manhiyun anhu il lam tad'u al-haja ilayh. C'est pas autorisé sauf si il y a une cause. Et on a cité certains détails dans le dars précédent. Kadhalik le hadith abghadu al-halal ila Allah at-talaq, on avait dit que c'est un hadith dha'if. Na'am, il est dha'if. Il est mursal. كما رجح ذلك الإمام الدارقطني والبيهقي وغيرهم وضعفه الإمام الألباني في الإرواء أي لمرسل أي لضعيف يا une coupure dans l'isnad. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité هنا لكن قال وفي الحديث. Vous avez remarqué, il n'a pas dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث أي dans un hadith أبغض الحلال إلى الله الطلاق أي le halal que Allah déteste le plus c'est le divorce. وقال شيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح on a trouvé un كلام de lui sur ce hadith. قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق وهذا الحديث ليس بالصحيح. Dans cette fatwa شيخ ابن عثيمين il a clairement cité que ce hadith il est ضعيف. C'est pour ça que هنا قال وفي الحديث أي dans un hadith كذا, لكن شيخ ابن عثيمين il savait que le hadith il est ضعيف. لكن pourquoi il l'a cité? لأن المعنى il est صحيح. Le sens il est juste. فلهذا قال والحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح. انتهى. نعم, le sens il est صحيح. C'est halal لكن بلا حاجة لا ينبغي. On continue كلام شيخ ابن عثيمين. قال فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا بأس أن يطلقها ولكن يجب أن يراعي ما يأتي. Et on avait cité certains cas où que c'est permis de divorcer. ثم هنا Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله قال لكن يجب أن يراعي ما يأتي. Et si l'homme il décide de divorcer, il doit prendre en considération plusieurs choses. Et il y a des règles. Le divorce ça se fait pas comme on veut, quand on veut. Là, il y a des règles précises. Parmi ces règles, قال أولا أن لا يطلقها وهي حائض. وكم من الناس يجهلون مثل هذه الأحكام أي سوف خسيبين لا يجوز de divorcer avec sa femme, de la divorcer et elle est حائض, elle est en période de menstrue, de règle. قال شيخ ابن عثيمين فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وارتكب محرما. C'est haram. فسي il compte la divorcer et vu que c'est encore sa femme il sait qu'elle a ses règles, فلا يجوز qu'il la divorce. Et ça nous montre, et je ne sais pas si on l'avait cité, le fait d'avoir l'intention de divorcer, ce n'est pas compté comme divorce. Là, on avait dit que le divorce, c'est imma une prononciation, imma à l'écrit, imma un geste pour celui qui est muet, qui ne peut pas parler ou qui ne peut pas écrire. Il lui reste que le geste. Enfin, il fait un geste et on comprend le divorce. Non. Imma le fait d'avoir l'intention d'y penser, là ce n'est pas pris en considération. ففي هذا الحال celui qui a l'intention qui veut divorcer sa femme et elle est en état de monstrue حائض فإلى طن حتى تطهر. قال الشيخ ابن عثيمين ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر. S'il l'a divorcé alors qu'elle était en état de monstrue, il doit la reprendre et quand elle sort de son état de حيض تطهر, elle fait le غسل. فهي هذا الحال s'il veut la divorcer, la divorce. أما la première فلا. Est-ce qu'elle est prise en compte la première talqa? Il y a un khilaf بين أهل العلم. Et on ne détaillera pas هنا. L'essentiel, il la reprend, il ne la divorce pas, et quand elle se purifie, il la divorce. قال ثم يطلقها إن شاء والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية أي لا لس حتى تحيض une deuxième fois ثم تطهر أي لا ديوخس. Et on cite le dalil على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça montre qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم certains صحابة ils ont divorcé. Ça montre que c'est pas haram le divorce. Ce qui est haram c'est le ظلم. Ce qui est haram c'est l'injustice. Ce qui est haram c'est le كذب. Ce qui est haram c'est de suivre ses passions et vouloir faire du mal à l'autre. هذا c'est haram. أما أحيانا الطلاق c'est la solution. فابن عمر رضي الله عنه il a décidé de divorcer avec sa femme. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم il est encore vivant. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فانتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم فيك عمر ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما إلى ديفورسي صفام et elle était en état de haïd. Omar, son père, il a demandé au prophète sallam, est-ce le fi'l de son fils, Abdullah, est-ce que c'est savable? Le prophète sallam qali Omar, dit à ton fils, an yuraji'uha, il la récupère, summa yatrukuha hatta tathur, vu qu'elle est en état de règle, il la laisse jusqu'à tathur, elle se purifie, summa tahir, summa, elle a les règles, à une deuxième fois, ثم تطهر après avoir les règles elle va se purifier في هذا الحال إما إلا قا إما إلا ديوخس قال إن شاء طلق قبل أن يمس سيأتي معنا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن celui qui veut divorcer sa femme ففي العدة قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ففيه أمر إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن si vous divorcez vos femmes ففي العدة la عدة le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a cité في هذا الحديث première chose on répète أن لا يطلقها وهي حائض et quand elle est en état de menstrue فلا il attend qu'elle se purifie. هذا أولا. Il y a des détails في هذا qu'on détaillera pas هنا. قول شيخ ابن عثيمين والأولى أن يتركها حتى تحيض. Est-ce que quand tu la récupères, tu attends qu'elle se purifie et tu la divorces, ou tu attends qu'elle se purifie, qu'elle a une deuxième fois les règles, ثم elle se purifie et tu la divorces. هذا on détaillera pas هنا. Ça c'est une مسألة via خلاف كبير et c'est dans d'autres livres. المهم c'est qu'on sache نحن à notre niveau أن quand elle a les règles, فلا يجوز. العلماء يلابل الطلاق البدعي الطلاق البدعي. دوزيام بوان أو قبل ذلك بعض العلماء ذكروا دي حكم أو تعليلات بوركوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض والله سبحانه وتعالى أمر بهذه العدة. وبعض العلماء قالوا أن المرأة في حال الحيض المرأة كطالي en état de menstrue en état de règle ربما تضعف ربما avec le وجع على المال يسوء خلقها هذا معروف عند النساء quand elles ont leurs règles quand elles sont en état de menstrue ربما avec la fatigue la آخره elle patientera pas sur certaines choses فإذا طلقها ربما تسمع منه ما لا يحب لماذا لأن elle est dans cet état ضعيفة إلى آخره ربما elle dira des choses qui sont pas طيبes. Ça c'est une cause, ça montre رحمة الإسلام أن الرجل pour ne pas faire du mal à cette femme akthar, il attend la bonne situation. Quand elle est en état de haïd, ce n'est pas un bon état pour elle. Donc on attend. Deuxièmement, أن الزوج إذا كانت امرأته حائض si sa femme elle est حائض et il y a eu des problèmes il a akhiri il veut la divorcer si il attend rubama on prend le cycle d'une femme normale 4, 5, 6 jours on va dire une semaine peut-être qu'il va les problèmes ils se sont passés au début de son cycle peut-être qu'il va devoir attendre toute la semaine quand il va attendre la semaine il va se calmer rubama sa femme cette semaine elle va faire des efforts pour lui elle va s'améliorer elle va avoir un bon comportement il a akhiri et peut-être que إذا طهرت quand elle va se purifier il oublie هذا et il dit خلاص j'ai pas besoin de divorcer حكمة الله سبحانه وتعالى أما ceux qui se précipitent c'est une musibah أحيانا une chose qui peut être réglée vers l'homme ou la femme il se précipite et ils se séparent et tu peux plus les réconcilier هذه سمين وعد الحكم que العلماء ici deuxième point donc لا يجوز طلاق المرأة quand elle est en état de حيض. Deuxième point, أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها. Deuxième point, quand elle est en état de طهر. Le premier cas, on a fini l'état de règle. Elle n'est pas en état de règle. لكن il a eu des rapports avec elle. Depuis qu'elle est sortie de son état de حيض, elle a fait le rousl, elle a repris la salat et la akhir. Donc elle avait le droit d'avoir des rapports avec son mari, ils ont eu des rapports. هذا الحال il n'a pas le droit de la divorcer. Il doit attendre jusqu'à qu'elle a les règles. مثلا, ses règles à cette femme, c'est dans deux semaines. Il doit attendre deux semaines. ثم, elle a son cycle. ثم, son cycle, c'est une semaine. Il attend la semaine, تطهر, elle fait le rousl. Et هذا الحال il peut la divorcer. Ça veut dire que dans ce cas-là, il aura attendu trois semaines. Et on reprend exactement la hikma qu'on a citée la dernière. Elle a ces trois semaines. À votre avis, si al-mar'a li aqila et l'homme il est aqil et khassatan s'il y a des enfants et kul wahid il fait des efforts pour se faire pardonner si c'est lui la faute ou de pardonner à l'autre si c'est pas lui la faute al-muhim al-ihsan ila akhir hada bi idnillah azza wa jalla ça va affaiblir al-shaytan et après cette période falhamdulillah il pense même pas à divorcer. Mais le bardi se précipite et dit taliq, et dès qu'il dit taliq ou je te divorce, c'est compté une. Et t'as le moun, l'homme il peut divorcer sa femme deux fois, la troisième c'est fini. Tahrum alayhi. Et le deuxième cas, illa an yatabayyan hamluha, il va l'expliquer sur Al-Uthaymeen. Fa'idha hamma rajulun bi talaq mar'atiha, wa qad jama'aha ba'd haydatiha, fa'innahu la yutalliqaha hatta tahid, thumma tathur, wa law talat al-mudda. Et on a cité notre exemple, trois semaines. Si c'est au début, elle venait de sortir de sa période de menstru, et ils ont eu des rapports. Thumma, il doit attendre toute la période, ça peut durer 3 semaines, 4 semaines, plus la semaine de son cycle, ça peut faire un mois, ça peut faire 3 semaines. Ou alors, il attend, et il ne la divorce pas. Dès que ça finit, dès que cette période est finie, il peut la divorcer. Qala, فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ولو طالت المدة ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها ثم كنت عليه en état de haïd, thumma taghtasil, il la divorce avant d'avoir des rapports. S'il a des rapports, là. S'il a des rapports, il doit attendre s'il veut divorcer. Qala, illa idha tabayyana hamluha. Sauf dans un cas. Si elle est enceinte. Si elle est enceinte, il peut la divorcer. Qala, illa idha tabayyana hamluha ou kanat hamilan falabas an yutalliqaha. Si elle est enceinte, mathalan, elle est fi tour. Elle n'est pas en état de menstru. Et il a eu des rapports avec sa femme. Thumma, il y a eu des problèmes, il veut la divorcer et il sait qu'elle est enceinte. Fi hadha al-hal, il a le droit de la divorcer. Limadha li'annaha elle est enceinte. Lakin, sayati ma'ana. Ça, c'est une hikma azima. Sayati ma'ana anna al-idda de cette femme. S'il la divorce, maintenant, il dit à cette femme, anti taliq. Elle est divorcée. Lakin, ta'lamoun anna, même si elle est divorcée, et le haqiqa hada c'est le bab suivant. La knabas, on résume هنا pour que ça soit compris. Anna, si il divorce sa femme, ça ne veut pas dire qu'elle sort de la maison. Là, s'il a divorcé la première fois, ça reste sa femme. Ay min hayt, il peut la récupérer quand il veut. Et fi hada al-hal, il y a ce qu'on appelle al-idd. Ay une période, anna cette période, il peut la récupérer quand il veut. Cette femme enceinte, sa idda, c'est quand elle accouche. Si elle est enceinte de, on va dire, vu que c'est apparent ici, on va dire 4 mois. 4 mois. Il reste 5 mois pour qu'elle accouche. Si elle accouche à 9 mois. Les 5 mois, c'est sa idda. Il n'a pas le droit de la faire sortir de la maison. Et elle, elle n'a pas le droit de sortir. Il reste dans la même maison. Et il a divorcé une fois. Il la récupère quand il veut. Si il ne la récupère pas pendant les 5 mois, et elle accouche, c'est plus sa femme. La idda, elle est finie. هذا سيأتي معنا لكن الحكمة سيكوا هنا أن pendant les 5 mois cette femme elle est enceinte et elle porte son enfant et peut-être que les choses elles vont se calmer et هو il va penser à cet enfant il va dire cette femme elle a mon enfant et cet enfant Obama, si on divorce il va grandir sans père ou sans mère ses deux parents ils sont pas avec lui et peut-être qu'il va se remettre en cause il va fermer les yeux sur certaines choses et bien sûr avant que la idda elle finisse il la récupère et alhamdoulilah, il l'a divorcé une fois, il reste deux fois, et ça reste sa femme. Hada khulasa de ce qu'on verra plus tard. Lakin on l'a cité هنا حتى ça soit clair. قال إلا إذا تبين حملها وكانت حاملا فلا بأس أن يطلقها. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يطلقها وهي حائض ولا في الطهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. Donc c'est les deux premiers cas. En état de حيض, on n'a pas le droit. Et كذلك, quand elle est en état de pureté, لكن il a eu des rapports avec elle. Il est obligé d'attendre qu'elle a le حيض, qu'elle se purifie, ثم il a le droit de divorcer. Sauf la femme enceinte, إذا تبين حملها, elle est enceinte clairement, il a le droit de la divorcer. Le prochain chapitre, ça sera sur l'id. Si tu la divorces une fois, combien de temps tu peux attendre pour la récupérer, il a akhir, et tout ça, ça viendra, inshallah. Troisième point, la yutalliqa akthar min wahida. Tu n'as pas le droit de la divorcer plus d'une fois. Tu la divorces une fois, thumma, il y a l'id, et la période, on verra c'est combien de temps. Pour la femme enceinte, c'est quand elle accouche. La femme qui n'est pas enceinte, c'est 3 cycles de règles. Cette période, on peut dire pour les 3 cycles de règles à peu près 3 mois, et on peut dire pour la femme enceinte, ça dépend, 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend de combien elle est enceinte. Fihad al-had, cette période, il peut la récupérer. Donc tu divorces une fois. Thumma, quand tu la récupères, et si se repasse quelque chose, et un problème, et cet homme il veut redivorcer, il la redivorce une deuxième fois. Thumma la période, thumma la troisième fois, il ne peut pas plus de 3. Hada, c'est ça, Murad Sheikh ibn Uthaymin. Qala fala yaqul anti taliq talqatayn, ou anti taliq thalathan, ou anti taliq. فالطلاق الثلاث محرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فهنا شيخ ابن عثيمين il a démontré les différentes formes que ça soit le fait de dire je te divorce deux fois ou je te divorce trois fois tu dis انت طالق une fois قد يجعل الله سبحانه وتعالى خيرا après فلهذا se précipiter c'est pas طيب في هذا الباب. Or بعضهم ils disent tu es divorcé trois fois. لا هذا لا ينبغي. Et il a cité هذا الحديث قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. Est-ce que vous jouez بالقرآن يا je suis parmi vous. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. Et هذا الحديث il est فيه ضعف انقطاع في السند. Et بعض العلماء يحسنه أو يصححه الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. Et بعض العلماء ils ont cité une علانة فيه انقطاع. على كل حال هذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي. On fait attention à la colère et à la précipitation. قال الشيخ ابن عثيمين وإن كثيرا من الناس يجهلون أحكام الطلاق فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد. هذا الباب باب الطلاق الحقيقة c'est un باب simple, il n'est pas compliqué, لكن sans rentrer dans les divergences. أما avec les divergences, الكتب المطولة, فيه شيء من الصعوبة. لأن il y a plusieurs cas, il a خير. أما le simplifié, comme il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, فالحقيقة فيه خير كثير. لكن vu qu'on vit à une époque, أن كثيرا من الناس, ils se sont écartés de l'ilm الشرعي, ils n'ont aucune notion في هذا الباب. تعلمون أن البعض ils ont jamais entendu parler de cette مسألة أنه c'est interdit de divorcer في حال الحيض حيض المرأة. Quand il arrive quelque chose كما قال شيخ ابن عثيمين problème il divorce. بعضهم تعلمون أنهم peut-être qu'ils sont cinquième ou sixième divorce de leur femme. طلاق et elle revient. C'est pour ça que connaître ces masaïl, c'est muhim jiddan, khasatan pour celui qui veut avancer fil ilm. Comme les gens, ils ont besoin de hada. En résumant ces masaïl avec kalam simple, comme a fait Cheikh Ibn Uthaymeen, fayahsul khayr kathir min hadhihi al-ahkam. Et on a cité là, qu'on précise, on a akthar parmi al-ahkam al-muhimma fi al-talaq, annahu la yajouz an tukhraj al-mar'a min bayt zawjiha. La yajouz an takhraj hiya ou an tukhraj. Elle n'a pas le droit de sortir elle-même, ou son mari l'a fait sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité des ahkam clairs dans le Coran. Qala azza wa jalla la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Pas le droit de la faire sortir. Il divorce, il veut divorcer avec sa femme, et il la divorce, et khalas, il pense que c'est fini, et elle doit sortir. Elle retourne chez ses parents et là il jouze. Kadhalik ahyanan, c'est l'inverse, c'est la femme. Elle a un problème avec son mari et ils veulent divorcer et elle décide de rentrer chez ses parents. Rubbama ne le prévient même pas. Hada, c'est du zulm. Qala azza wa jal, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Dans les deux cas, qala al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah, fi tafsir hadhihi al-aya, ay fi muddat al-idda, laha haqq as-sukn 'ala az-zawj. Al-idda, c'est le prochain dars. Inch'Allah qu'on verra ensemble. Et on récapitule, pour la femme qui n'est pas enceinte, c'est 3 cycles de règles, à peu près on va dire 3 mois, si les cycles c'est 1 mois. Et pour la femme enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est ça l'idda. Dans cette période, al-mar'a la haqq sukna. Et c'est toi qui es responsable encore d'elle. C'est pour ça que tu as le droit de la récupérer. Pour vous éclaircir akthar, Anna, dans ce cas, tu as divorcé maintenant. Pour la récupérer, tu n'as pas besoin de prévenir ses parents. Tu n'as pas besoin de dire une chose spécifique. Là, c'est ta femme, tu la récupères. Vous vivez aslan dans la même maison. Même si ses parents ne sont pas d'accord. Naam, tu as le droit. C'est toi qui es à haq bihadil mar'a. Contrairement à si la idda est passée ou matalan ar-rajul l'a divorcé 3 fois, khalas. Un autre homme, il peut venir et la demander un mariage. Et donner un mahr ila akhir. Tu n'as pas besoin de wali. Tu n'as pas besoin de mahr dans ce cas-là. Limada li anna c'est ta femme, fa tu es ahq biha. Mafhoum? C'est pour ça la haqq as-sukna, vous habitez dans la même maison. Kadhalik anna fi hadha al-hal, tu l'as divorcé, lakin tu as le droit de la voir. Matalan, elle ne va pas porter le hijab fil bayt. Contrairement si la idda est finie ou tu la divorces plus de 3 fois, la yajouz, ça devient une ajnabiyya, elle doit porter le hijab. Vous avez vu les différences? Qala أي في مدة العدة لها حق السكن على الزوج ما دامت معتدة منه فليس لرجل يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج. أي حكمة عظيمة في هذا. أن سمعي لا divorcé avec cette femme et cette femme elle est في العدة. On va dire la عدة il reste encore 2 mois. أن si elle sort pas من البيت et هو il l'a pas fait sortir et ils vivent dans la même maison. ولله الحمد avec le temps, avec le bon comportement, Rabbam, alhamdulillah, les choses, elles reviennent toutes seules. Et ils ont divorcé une fois, alhamdulillah, ça arrive, et ils reviennent, et Rabbam, personne n'est au courant. Et ça arrive, hada. Et yahsul khayr. Amma, s'il l'a fait sortir, ou elle sort, le shaytan, directement, il aggrave les choses. Comment tu veux te remettre avec elle? Elle ne vit plus avec toi. Et fi hada al-had, c'est difficile. Et kadhalik, ba'd al-haqidin, Rabbam, ils rentrent dans l'affaire, maintenant la famille de la femme ou la famille de l'homme, et ils aggravent les choses. Regarde, elle est sortie, regarde, kada, et c'est très difficile de le remettre ensemble. Limada, li anna al-jahl bi hadhihi al-ahkam al-azima, et shaytan, il en profite fi hadha al-hal. Fa connaître ces ahkam, c'est très très important. Khassatan, en résumé, on répète. أما في كتب الفقه المطولة فهي بوكود أحكام في هذا الباب والله الموفق. قال شيخ العثيمين والواجب على العبد أن يتقيد بحدود الله ولا يتعداها. صحيح النصيحة طيبة. لماذا شيخ العثيمين في ست نصيحة إسي؟ لأن الاعتداء والظلم الانجستيس في هذا الباب لكثير. أحيانا سلام أحيانا سلافهم. لماذا؟ لأن كل واحد ينصر son نفس يبقى prendre les dessus et ربما يبقى faire du mal à l'autre en dépassant les limites. Là, il y a chose. Même si ça va mal, même si ce couple il doit se séparer, فكما قال عز وجل إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. إما إمساك بمعروف إما سكوب لي رست انصامب بمعروف إما تصريح بإحسان إما ديفورس بإحسان سون ظلم خاصة سي ا دي زونفون خاصة سي ا دي زونفون لأن سيت انفون سو بير سا رست سون بير سيت فام سا رست سيت مير سا مير هذا on s'apprend à ne pas dépasser les limites même si cette femme elle a été injuste ou pour la femme même si le mari il a été injuste فالحكمة والتعقل سمهم قال فقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والظلم الظلمات يوم القيامة الإنسان il doit pas oublier أنه ce divorce s'il a été injuste il rendra des comptes يوم القيامة même si في الدنيا مثلا il a eu la garde des enfants ou cette femme elle a eu une pension si dunya ils lui ont donné le haqq et en fait elle a été injuste cette femme il ne faut pas qu'elle oublie que yawm al-qiyamah elle aura des comptes à rendre allam al-ghuyub ahkam al-hakimin qui jugera Allah azza wa jal c'est tout كذلك l'homme annahu il a fait du mal à cette femme et il lui a pas donné son haqq et il pense qu'il a eu le dessus la yansa la yawm al-qiyamah il y aura des comptes fali hadha alladhi yakhaf Allah يلازم العدل في كل حين بقدر ما يستطيع كساسوا quand il est marié ou quand il divorce العدل والحق والله المستعان فهذا الباب il est important on résume ان الطلاق c'est مشروع c'est permis لكن avec des points importants à suivre اولا ne pas divorcer cette femme en état de règle Et celui qui a divorcé sa femme en état de règle et il ne savait pas, enfin on a Dalil ibn Umar, il récupère sa femme, thumma il attend hatta tatahur, et fil hadith annahu il attend qu'elle a les règles et il la divorce la deuxième fois. Hada, kadhalik annahu, il n'a pas le droit de la divorcer si sa femme elle est en état de pureté, lakin il a eu des rapports avec elle. Fafi hada al-hal, il attend qu'elle a ses règles, thumma tatahur, elle se purifie, thumma il la divorce. Kadhalik, أنه لا يجوز de divorcer plus d'une fois أي au même moment لا يجوز أنه si doit divorcer il divorce une fois ثم il attend on arrive à cette étape le 1 du livre أنه cet homme il a divorcé cette femme première fois الآن combien de temps il peut attendre et s'il la divorce plus d'une fois qu'est-ce qui se passe tout ça inshallah ta'ala dans le dernier chapitre de cette risala الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك